Exercice 5, page 60. Ursule. Futur. Culture. Sculpture. Mouloud. Toulouse. Toujours. Froufrou. Moulu. Coutume. Soupule. Fourchu. Mulhouse. Du coup. Surtout. Humour.